Chapitre 10. La peine du talion. La petite Jeanne s'était ressentie de l'état de souffrance de sa mère pendant les derniers temps de sa grossesse, et malgré tous les soins dont on l'entourait, elle était demeurée chétive, et ses joues pâles indiquaient que la vie n'avait pas encore pris le dessus. Jean de Clodion, témoin des alarmes de la duchesse, avait écrit à son ami le docteur Cavaroux, et le docteur venait d'arriver au château de Kerdal avec toute sa cargaison pharmaceutique le jour même où Carmela mettait à exécution l'abominable projet qui devait, dans sa pensée, la débarrasser du jeune duc. Cavaroux, après avoir examiné et ausculté l'enfant, avait déclaré qu'aucun organe n'était atteint et qu'elle sortirait victorieuse de cette crise de la première enfance à l'aide d'un régime fortifiant. Ce pronostic du célèbre praticien avait complètement rassuré Fernande. Le marquis et le duc Jean étaient dans la joie lorsque Pedro Diaz, qui avait quitté le château vers 4 heures pour s'en retourner à l'île de Boed, entra tout haletant et tout effaré dans le salon où la famille se trouvait réunie. « Qu'est-il arrivé ?» lui demandèrent vivement Jean et le marquis. « José a disparu, » répondit le Texien. « Il s'est enfui de l'île pendant mon absence. » Cette nouvelle produisit sur eux tous l'effet de la foudre. « Mais comment a-t-il pu quitter l'île ?» reprit le vieux gentilhomme. « Il a donc gagné à prix d'or l'un des pêcheurs de l'endroit. Connaît-on au moins la direction qu'il a prise ?»« Tout ce que j'ai pu savoir, » répliqua Pedro, « c'est que peu de temps après mon départ, un jeune garçon a abordé dans l'île de Boed et que José est parti avec lui. » « Voilà qui est étrange, » dit le marquis. « Je serais bien étonné, » ajouta le docteur Cavaroux, « si cette créole maudite ne se trouvait pas mêlée à cet événement. »« En effet, vous pourriez avoir raison, » dit Jean après un instant de réflexion. Et il raconta la rencontre qu'il avait faite dans la forêt 4 ou 5 jours auparavant et fit le portrait de l'Amazone qu'il avait accostée. « C'est Carmela !» s'écria Pedro Diaz. « Et maintenant tout s'explique !» Le jeune garçon qui a emmené Don José de l'île, c'est elle, ce ne peut être qu'elle. Oh, j'ai peur, murmura Fernande en pâlissant. Ne craignez rien, madame la duchesse, continua Pedro Diaz. Que voulez-vous qu'ils fassent? Et en supposant qu'ils aient quelque mauvais dessein, ce n'est pas cette nuit qu'ils essaieraient de l'exécuter. D'ailleurs, je reste au château et vous pouvez dormir sans crainte, je veillerai. Moi aussi, dit Jean de Clodion. À 9 heures, on se sépara. Le marquis, fidèle à une vieille habitude, s'en alla fumer un cigare dans son fumoir avant de regagner son lit. Le duc Jean conduisit le docteur Cavaroux à l'appartement qui lui était destiné, lui serra la main et monta dans sa chambre où la duchesse, comme elle faisait chaque soir, lui amena bientôt sa petite Jeanne à embrasser. Cette attitude de Fernande près du jeune duc lui était commandée par la situation exceptionnelle dans laquelle ils se trouvaient tous les deux. En effet, simple cousin en réalité, mais mari et femme aux yeux des serviteurs du château, il devait simuler le rôle d'époux afin de n'éveiller aucun soupçon. Pedro était embusqué depuis quelque temps déjà à l'extrémité de la terrasse, derrière l'énorme tronc d'un chêne centenaire, et surveillait les côtes accessibles du vieux manoir, lorsque Jean de Clodion descendit dans le parc. Le Texien, pour toute arme, n'avait qu'un lasso en cuir souple qu'il avait rapporté du Mexique et que ses compatriotes tiennent habituellement enroulé autour de leur corps en manière de ceinture. Le jeune duc, en faisant son inspection, passa plusieurs fois à côté de Pedro Diaz sans l'apercevoir. Mais Pedro ne le perdait pas de vue. Tout à coup, il crut entendre comme un frôlement de branches dans une des futaies du parc et dès ce moment, son attention se porta de ce côté. Malgré l'ombre des grands arbres qui rendait l'obscurité plus épaisse, il lui sembla entrevoir un corps qui se mouvait lentement sur le sol. Toutefois, cette apparition avait été si confuse qu'il doutait de sa réalité. Il y avait entre la futaie suspecte et la terrasse une pelouse découverte et éclairée par la lune, et il pensa avec raison que si l'objet qu'il avait cru entrevoir se rapprochait, il lui serait facile d'en reconnaître la nature. Ses yeux ne l'avaient pas trompé. Profitant du moment où le duc Jean tournait le dos à la pelouse, une forme humaine rampa sur le gazon, puis se dissimula derrière un massif de rhododendrons placé entre le gazon et la terrasse. À 3 ou 4 mètres de ce massif était le chêne derrière lequel Pedro Diaz, armé de son lasso, se tenait embusqué. Jean de Clodion revint sur ses pas, s'avançant vers le massif. Rien ne bougea, et le Texien attendit. Mais, au moment où Jean venait de dépasser les rhododendrons, l'homme caché bondit sur lui, un poignard à la main. Il allait l'atteindre lorsqu'un sifflement se fit entendre et l'homme tomba sur le sol comme une masse inerte. Le lasso s'était enroulé autour de son cou et l'étranglait. Au bruit de cette chute, le jeune duc s'était vivement retourné. « Qu'y a-t-il donc ? » dit-il en apercevant un corps inanimé étendu à terre. « Il y a, monseigneur, répondit Pedro en sortant de derrière le chêne, que j'empêche le misérable que voici de vous assassiner. Voyez plutôt son poignard qu'il a laissé tomber au moment où je l'ai lassé. Et cet homme, qu'est-il ? Nous allons le savoir. » Le Texien, tirant alors à lui son lasso, s'approcha de l'homme puis il se pencha sur son visage. « Je ne m'étais pas trompé, dit-il. Regardez, monseigneur. » Jean de Clodion se pencha à son tour. « José ! » fit-il terrifié. Pedro Diaz détacha le lasso du cou de Don José, lui lia les mains et les pieds, le chargea sur ses épaules et se dirigea vers le pavillon à l'extrémité du parc. « Quel est ton projet ? » demanda le duc, qui le suivait sans comprendre. « Ce qui vient de se passer devra probablement demeurer inconnu, » répondit l'ancien intendant. « Voilà pourquoi je porte mon prisonnier dans un lieu isolé où personne ne soupçonnera sa présence. » Quand il eut atteint le pavillon, il déposa son fardeau sur un divan, puis il tira un briquet de sa poche et alluma une bougie. Le bâtard, qui s'était évanoui sous l'action foudroyante du lasso, reprit peu à peu ses sens quand Pedro lui débarrassait de la terrible lanière enroulée comme un serpent autour de sa gorge. « Maintenant, monseigneur, qu'allons-nous faire de ce misérable ? » dit le Texien. « Ah, si ce n'était pas votre frère, son compte serait bien vite réglé. Une, deux, trois, le temps de prendre mon mouvement, et du haut de la terrasse, il s'en irait faire un plongeon dans la mer, et tout serait fini. Mais c'est votre frère. » « Mon frère, » répéta Jean avec accablement. « Tenez, monseigneur, » continua Pedro, « savez-vous ce que je ferais si j'étais à votre place ? J'assemblerais, comme qui dirait, un petit conseil de famille, composé de vous d'abord, puis de monsieur le marquis et du docteur Cavarox. Je leur raconterai ce qui vient d'arriver et je soumettrai la chose à leur arbitrage. » Cependant, José, complètement revenu à lui, gardait le silence. Vaincu pour la seconde fois dans sa tentative fratricide, il attendait avec épouvante ce qui allait être décidé. « Si indigne de pitié qu'il soit, répondit le jeune duc, je ne puis consentir à ce que tu me demandes. » « C'est moi qui le ferai, » repartit le docteur Cavarox en se montrant tout à coup. « Vous, ici ?» dit le Texien stupéfait. « Oui, moi, » dit Cavarox. « Comme vous, mon brave Pedro, comme le duc, je ne présage rien de bon de la fuite de ce misérable, et pendant que de votre côté vous exploriez le parc, du mien j'en faisais autant. De loin, j'ai vu ce qui se passait et je suis accouru. Maintenant, tout à terme moment serait hors de saison. Il faut prendre un parti à l'instant même, et je vais aller chercher monsieur le marquis de Kerdal. » Il s'éloigna d'un pas rapide après avoir prononcé ces mots. Courte fut son absence. 10 minutes à peine s'étaient écoulées lorsqu'il reparut. Le marquis l'accompagnait. « Monsieur le duc, » dit le vieux gentilhomme à Jean de Clodion, « le docteur m'a tout expliqué et je comprends vos scrupules. Vous ne sauriez être le juge de votre frère, mais il n'en est pas ainsi de nous autres. Éloignez-vous pendant quelques instants, et quand nous aurons pris une résolution, nous vous appellerons et nous vous la ferons connaître. » Le bâtard frissonna en entendant ces mots. Comme nous l'avons dit, il était là, chez lui, si prodigue de la vie des autres, il avait peur de la mort. Lorsque Jean se fut éloigné, le marquis et le docteur s'assirent devant une table. Pedro Diaz demeura debout. « Prenez place à côté de nous, » lui dit le vieux gentilhomme breton. « Votre dévouement à la famille de Clodion vous en donne le droit. » Un éclair d'orgueil brilla dans les yeux du Texien. Toutefois, il répondit en désignant le prisonnier. « Cet homme, quoique couvert de crimes, monsieur le marquis, est le fils de mon ancien maître, et je n'ai pas le droit de me prononcer contre lui. » Le marquis de Kerdal approuva du geste cette loyale réponse, puis, se tournant vers Don José, « Mes ancêtres, dit-il avec une imposante dignité, avaient un mot à eux pour déterminer les affaires dont il s'agit ici. Ils faisaient Dieu juge entre l'assassin et son accusateur. » Il se leva alors, prit 2 épées dans une panoplie suspendue à la muraille, et désignant le prisonnier à Pedro Diaz, « Débarrassez-le de ses liens, » lui ordonna-t-il. Lorsque cet ordre eut été exécuté, il donna une épée à José et reprit en ces termes. « Moi, marquis de Kerdal, devant Dieu, je vous accuse, vous, misérable bâtard, d'avoir volé le nom et l'héritage de votre frère Jean de Clodion, fils légitime du duc de Clodion. Je vous accuse ensuite d'avoir recouru un ignoble mensonge pour lui prendre sa fiancée et entrer subrepticement dans ma famille. » Enfin, je vous accuse d'avoir, pour la seconde fois, porté une main fratricide sur lui. En garde maintenant, et que Dieu décide entre nous. » José, devant cette terrible apostrophe, devint tout pâle. À peine pouvait-il soutenir l'épée que le marquis lui avait mise dans la main. Devant le vieillard qui s'avançait vers lui, l'œil étincelant et l'épée haute, il se sentait vaincu d'avance. Il avait peur. « Je ne me battrai pas, » répondit-il en faisant un pas en arrière. « Je suis en votre pouvoir. Vous pouvez m'assassiner. C'est votre droit. Faites !»« De quel droit voulez-vous parler, misérable ?» répliqua le docteur Cabarrox. « De celui des assassins, n'est-ce pas ? Mais le code des assassins n'est pas celui des honnêtes gens. Et la preuve, c'est que vous avez une épée. » La lâcheté fit entrevoir Don José un moyen de salut. C'était d'intervertir les rôles et d'accuser, devenir accusateur. « J'ai eu recours à un mensonge pour épouser votre nièce, » dit-il le marquis de Kerdal. « Ma justification est de l'amour que Fernand m'avait inspiré et qui ne s'éteindra qu'avec ma vie. Quant au crime d'avoir voulu assassiner mon frère, si j'ai un regret, c'est de n'avoir pas réussi, car j'étais dans mon droit. » Un tollé d'indignation répondit à ces audacieuses paroles. « Expliquez-vous, je le veux, je vous l'ordonne, » dit le marquis en saisissant le bâtard par le bras. « Sinon, j'en jure Dieu, je vous tue. » « Le droit que j'invoque, » répliqua Don José avec assurance, « est celui qui permet au mari outragé de tuer la femme adultère ainsi que son complice. »« Fernande, ma fille, une adultère !» s'écria le gentilhomme, ivre de fureur. « Oui, ce soir, il y a une heure, j'ai vu, de mes yeux vus, ma femme entrer dans la chambre de Jean, et à celui qui prétendra le contraire, je répondrai qu'il en a menti. »« Pour bien. Mais ce que vous n'êtes pas, c'est que vous gardez bien de dire... » repartit le marquis, c'est qu'avec ma nièce était son enfant et la nourrice. La nourrice a emmené ma fille et Fernande est demeurée avec Jean, qui a fermé sa fenêtre. Et il est descendu dans le parc, interrompit Pedro, et vous le savez bien, puisque sans moi, vous l'auriez assassiné. Cette réplique était concluante, et José se demanda s'il n'avait pas été, cette fois encore, la dupe d'une odieuse machination de Carmela. Cependant, la patience du marquis de Kerdal était arrivée à sa dernière limite. « Assez de lâches subterfuges, » s'écria-t-il en levant de nouveau son épée. « Défendez-vous. »« Je vous ai déjà dit que je ne me battrai pas avec vous, » répondit le bâtard, dont les yeux, démesurément ouverts, accusaient la terreur. Le marquis de Kerdal marcha droit à lui. Déjà son épée allait l'atteindre, quand tout à coup il s'arrêta. « Je ne peux pourtant pas l'assassiner. » fit-il avec un geste de découragement et de souverain mépris. « Vous avez fait tout ce qu'il était humainement possible de faire, monsieur le marquis, » dit le docteur Cabarrox. « Il faut que cette scène honteuse ait une fin. Je me charge du dénouement. » Puis s'adressant à José, « Ce poignard, dont vous étiez armé pour assassiner votre frère, » continua-t-il, « vous le savez mieux que personne, est empoisonné. Et une simple piqûre suffit pour tuer instantanément. » Choisissez entre ce poignard et un châtiment relativement plus terrible que la mort. Quel châtiment ? Le breuvage qui rend fou. Oui, oui, celui que j'ai versé à Jean, balbutia Don José éperdu. Le jeune docteur tira de sa poche une petite boîte qui renfermait plusieurs sachets. Il en prit un et le plaça sur la table à côté du poignard. Qu'avez-vous décidé ? Demanda-t-il au bâtard. José devait être là jusqu'à la fin. Entre la mort ou la perte de sa raison, il n'hésita pas. « Je choisis la folie. La folie, c'est le souvenir disparu des bonheurs enfuis. »« Si vous deviez perdre la mémoire pour toujours, » repartit Cabarrox, « votre châtiment serait incomplet. Que voulez-vous dire ? Un jour, là-bas, au Mexique, vous recouvrerez la raison, comme votre frère l'a recouvrée. Alors la mémoire vous reviendra, et avec elle, les larmes, le désespoir, et les remords de vos crimes, si toutefois votre âme gangrénée est capable d'en avoir. » Le docteur, tout en parlant ainsi, avait pris quelques pincées de la poudre grisâtre renfermée dans le sachet et préparé le breuvage. « Buvez !» dit-il en tendant le verre à José. Celui-ci devint affreusement pâle, ses dents claquaient, sa main tremblait. Par un suprême effort de volonté, il la leva, saisit le verre, le vida d'un seul trait, puis, à bout de force, se laissa tomber sur le divan. 10 minutes plus tard, les premiers symptômes du sommeil se manifestèrent. Ses paupières devinrent pesantes. Il essaya de parler, mais sa langue embarrassée ne laissa échapper que des sons inarticulés. Instinctivement, Il voulut secouer la torpeur qui de plus en plus l'envahissait, mais l'action du breuvage fut plus forte que sa volonté. Il s'affaissa sur lui-même, les yeux fermés. La trompette du jugement dernier s'offrait entendre qu'il ne se réveillerait pas, dit Cavaroux, et ils dormirent ainsi pendant 48 heures. Grâce à Dieu, la bête fauve est muselée, sans qu'une goutte de sang ait été répandue, répliqua le marquis de Kerdal. À présent, qu'allons-nous faire de ce misérable ? Demanda Pedro. Rien de plus simple, répondit le docteur. Je devais partir demain matin et prendre le chemin de fer à Bannes. Je partirai cette nuit même, avec José. Je garderai jusqu'à Paris la chaise de poste qui m'a emmené de Bannes ici, et arrivé à destination, je le conduirai dans ma maison de santé de Passy, où il demeura jusqu'à son départ pour l'Amérique. Et il n'y demeurera pas longtemps, dit le vieux gentilhomme, car sous 3 semaines, le yacht que je fais construire à son intention sera achevé. Excellente idée que vous avez là, docteur, ajouta Pedro Diaz. Mais comme votre postillon dort depuis longtemps et qu'il n'est pas nécessaire qu'il fourre son nez dans cette affaire, je propose de vous servir de cocher jusqu'à Paris. Entendu, mon brave Pedro, dit l'illustre savant. Maintenant, vous pouvez prévenir le duc qu'il peut rentrer. Jean de Clodion éprouva un grand serrement de cœur à la vue de José immobile, la face blêmie, et qu'on aurait cru mort sans la respiration qui, par intervalles irréguliers, soulevait sa poitrine. Devant le châtiment terrible qu'on venait de lui infliger, il oublia tous ses crimes et ne se souvint que d'une seule chose, c'est que ce malheureux était son frère. Un quart d'heure après la scène que nous venons de raconter, le docteur quittait le château de Kerdal avec José endormi dans la chaise de poste. Arrivé à Bannes, on changea de chevaux. Tant qu'il avait fait nuit, les choses allèrent à merveille. Mais quand vint le jour, la curiosité publique, toujours en éveil dans les petites localités, fut fort gênante. Des regards indiscrets essayèrent de plonger dans l'intérieur de la chaise de poste, dont les glaces demeuraient obstinément fermées et à travers lesquelles on entrevoyait un homme inerte comme un cadavre. Aux questionnaires les plus intrépides, Pedro Diaz répondait que l'homme endormi était un malade que l'on conduisait à Paris afin de l'y faire traiter par les princes de la science. La journée s'écoula bien lentement pour le docteur et pour le Texien. Enfin la nuit se fit de nouveau, mais lorsque, sur les 6 heures du matin, la chaise de poste voulut entrer dans Paris, les préposés de l'octroi l'ouvrirent pour la visiter. « Est-ce donc un mort que vous avez là ? » dit le préposé chef à Cavaroux. « C'est un cataleptique que je conduis dans ma maison de santé de Passy, » répondit-il en se nommant. « Monsieur le docteur Cavaroux, » fit le chef de l'octroi, qui connaissait de réputation le célèbre praticien. Puis se tournant vers ses subalternes, « Laissez passer, » leur dit-il. Pedro Diaz fouetta ses chevaux. Arrivé au milieu de la rue de la Pompe où était située la maison de santé, Cavaroux mit pied à terre et sonna. Au bout de quelques minutes, le portier garde, une lanterne à la main, accourut. « Qui va là ? » demanda-t-il. « Ouvrez !» répondit le docteur. Le portier, en entendant cette voix bien connue, introduisit une grosse clé dans la serrure et ouvrit. « Il y a dans ma voiture un malade endormi, » lui dit Cavaroux. « Transportez-le dans le pavillon numéro 3. »« Attendez, l'ami, je vais vous donner un coup de main, » ajouta Pedro Diaz en sautant à bas du cheval. « Merci, camarade. Je ferai la chose à moi tout seul, » répondit le concierge, ancien brigadier de dragons. Ce disant, il souleva José dans ses bras, comme si c'eût été un simple colis, et le transporta dans le pavillon indiqué. Le docteur, qui l'avait suivi, fit placer le bâtard dans un lit après qu'on lui eût retiré ses vêtements, puis il ferma la porte à double tour. « Mais, monsieur le docteur, s'il allait se réveiller ?» lui dit l'ex-dragon. « Il ne se réveillera que ce soir à 10 heures, » répondit Cavaroux.